Tu n'es ni l'après-midi, ni le matin, ni cette heure, ni la suivante, ni le passé, ni le présent. Tu es tout et quelque chose de plus, une tranche du ciel, une rafale de contemplation, un chant qui embellit les abîmes, une clarté qui nous engendre, baume des adieux, des coquillages ayant perdu la mer, des naufragés méprisés par la terre. Tu es tout cela et quelque chose de plus, au-dessus des peines qui fortifient et des douleurs que chaque être aimer un seul si 10 000. Le chanta Bukowski en passant te ferait brûler davantage ces villes, de réduire l'amour au hasard. Il existe des poètes comme Mutis qui mesurent dans la solitude, qui disent que l'amour est un mythe, que deux ne font pas une vérité unique, mais au contraire intégrons un ange, deux en communion, intelligent et affection suprême qui révèle Dieu à travers notre union. C'est pourquoi je renouvelle en toi la nuit. Après-midi, le matin, ni 7 heures, ni place qu'est bâtard.